L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Dragonfly 44 est une galaxie emblématique de la nouvelle classe de galaxies dite ultra-diffuse, car ne comportant que très peu d'étoiles. Nous en avions parlé ici même en mai 2015 lors de sa découverte. Aujourd'hui, les astrophysiciens qui l'ont mise à jour viennent de parvenir à quantifier son contenu en matière noire, et il dépasse tous les records. C'est avec le réseau de petits télescopes appelé Dragonfly Telephoto Array que Peter Van Dokkum de l'université de Yale et son équipe avaient trouvé cette étrange galaxie un peu par hasard. Étrange car comportant très peu d'étoiles, mais qui semble bien rester emprise dans un puits gravitationnel énorme, celui d'une galaxie aussi grosse que la Voie lactée. Dragonfly 44 a une taille de 60 000 années-lumière, proche de celle de notre galaxie, mais en revanche ne possède que 1% de son nombre d'étoiles, l'équivalent d'une galaxie naine elliptique. Les astrophysiciens, après avoir confirmé qu'il s'agissait bien d'une galaxie, grâce à des mesures spectroscopiques de sa composition et des mesures de distance, ont essayé de déterminer comment de telles galaxies pouvaient exister. Une explication avancée est que ces galaxies seraient enfouies dans un épais cocon de matière noire qui les aiderait à résister, entre guillemets, aux assauts gravitationnels des galaxies voisines. En effet, un tel petit groupe d'étoiles aussi diffus ne peut pas exister dans la durée sans la présence d'une masse importante permettant de les garder prisonnières. Mais il fallait pouvoir confirmer cette hypothèse, et c'est ce à quoi s'est attachée l'équipe de Van Dokkum depuis 2015. Pour déterminer la quantité de matière noire, les chercheurs ont cherché à évaluer la masse totale de Dragonfly 44. Ils ont pour cela mesuré les vitesses d'étoiles de Dragonfly 44 durant plus de 30 heures avec l'instrument Deimos monté sur le télescope Keck 2 à Hawaï. Ensuite, ils ont braqué l'autre télescope hawaïen, Gemini North, de 8,10 m, sur la galaxie ultradiffuse pour l'imager, et ils ont eu la surprise d'y découvrir un halo de 94 amas globulaires entourant le cœur de la galaxie. La vitesse des étoiles, qui est influencée uniquement par le champ gravitationnel, permet de remonter à la masse totale en jeu. Celle-ci, d'après les données récoltées, vaut environ 1000 milliards de masses solaires, très semblable à la masse de la Voie lactée. Mais seulement 0,01% de cette masse est visible sous la forme d'étoiles et de masse ordinaire, donc, et notamment les amas d'étoiles découverts. Il se trouve que l'essentiel des étoiles de Dragonfly 44 forme le halo d'amas globulaires compacts observés. D'après les chercheurs qui publient leur étude dans The Astrophysical Journal Letters, c'est peut-être un indice important pour comprendre comment s'est formée cette étonnante galaxie. Les seules galaxies connues pour être presque entièrement faites de matière invisible, matière noire, étaient jusqu'à aujourd'hui des toutes petites galaxies, des galaxies naines ultra compactes, satellites de galaxies plus grosses. On sait désormais que les grands modèles existent aussi, et donc le premier spécimen de ce type réside à environ 300 millions d'années-lumière dans l'amas de Coma. Cette dernière pourrait d'ailleurs n'être qu'une sorte de galaxie ratée, n'ayant pas réussi à produire des étoiles, pour une raison encore inconnue. Dragonfly 44 va en tout cas devenir un laboratoire de choix pour étudier la nature de la matière noire, cette grande inconnue dont on ne voit que les effets gravitationnels. L'article de Peter Van Dokkum et ses collaborateurs s'intitule « A High Stellar Velocity Dispersion and Around 100 Globular Clusters for the Ultra-Diffuse Galaxy Dragonfly 44 ». Il est paru dans The Astrophysical Journal Letters, le volume 828, il y a quelques jours à peine. Allez, restez bien à l'écoute sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr. Ça se passe là-haut. Le blog où l'univers Des galaxies pleines de matière noire se contemplent indéfiniment. Vous retrouvez cette émission comme toujours sur iTunes, toujours sur podcloud.fr et toujours sur Stitcher. D'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux au ciel et les pieds sur terre. Allez, salut !